ris là, au coin des lèvres, un penchant pour le la, une mélodie de corderet, un médiateur posé sur la bouche. Ils s'harmonisent quand nos deux corps se touchent, qu'ils se couchent. Sur mon cœur de guitare, ils valsent, l'accent des rues, le ronron d'une frette qui râle. Ça tient à rien lorsqu'elle me tient. Homoplates simplement, tout simplement. Tac tac tactiquement, je m'en remets de temps en temps et subrepticement il m'entreprend. Tac tac tactiquement, je me déguise en caisse claire, subrepticement il m'entreprend. C'est pas un petit banal, son timbre et son beauté, je les joue à volonté. Et joue même quand il pense, même pas comme une romance. Le riz là, au coin des lèvres, un penchant pour le la, une mélodie de corderet, un médiateur posé sur la bouche. Ils s'harmonisent quand nos deux corps se touchent, qu'ils se couchent. Sur mon cœur de guitare, ils valsent, l'accent des rues, le ronron d'une frette qui râle. Ça tient à rien lorsqu'elle me tient. Des homoplates simplement, tout simplement. Tac tac tactiquement, je m'en remets de temps en temps et subrepticement il m'entreprend. Tac tac tactiquement, je me déguise en caisse claire, subrepticement il m'entreprend. C'est pas un petit banal, son timbre et son beauté, je les joue à volonté.